Chapitre 8 de ABC, Petit conte Jules le Maître, enregistré pour LibriVox.org. Gâteau. On avait donné à deux enfants un gros gâteau et un petit, en leur disant « Partagez ». Les deux enfants étaient une petite fille de 6 ans et un petit garçon de 4 ans. « Tiens, » dit la petite fille, « prends ce joli petit gâteau. Moi, je mangerai ce vilain gros. » « J'aime mieux le vilain gros, » dit le petit garçon. « Mais puisqu'il est vilain !»« Oui, mais il est gros. » Fin du chapitre 8, enregistré par Sonia. Cet enregistrement fait partie du domaine public.